Mimi Pinson, profil de grisette, par Alfred de Musset. Lu par Sarah. Chapitre 3. Le souper fut long et bruyant. Ces messieurs, ayant commencé par remplir la chambre d'un nuage de fumée, buvaient d'autant pour se rafraîchir. Ces dames faisaient les frais de la conversation et égayaient la compagnie de propos plus ou moins piquants aux dépens de leurs amis et connaissances et d'aventures plus ou moins croyables tirées des arrière-boutiques. Si la matière manquait de vraisemblance, du moins n'était-elle pas stérile. Deux clercs d'avoués, à les en croire, avaient gagné 20 000 francs en jouant sur les fonds espagnols et les avaient mangés en 6 semaines avec deux marchandes de gants. Le fils d'un des plus riches banquiers de Paris avait proposé à une célèbre lingère une loge à l'opéra et une maison de campagne, qu'elle avait refusée, aimant mieux soigner ses parents et rester fidèle à un commis des deux magots. Certains personnages qu'on ne pouvait nommer et qui étaient forcés par son rang à s'envelopper du plus grand mystère venaient incognito rendre visite à une brodeuse du passage du Pont Neuf, laquelle avait été enlevée tout à coup par ordre supérieur, mise dans une chaise de poste à minuit, avec un portefeuille plein de billets de banque et envoyée aux États-Unis, etc. « Suffit, » dit Marcel, « nous connaissons cela. » « Zélia improvise, et quant à Mademoiselle Mimi, » ainsi s'appelait Mademoiselle Pinson en petit comité, ces renseignements sont imparfaits. Vos clercs d'avoués n'ont gagné qu'une entorse en voltigeant sur les ruisseaux. Votre banquier a offert une orange, et votre brodeuse est si peu aux États-Unis qu'elle est visible tous les jours, de midi à 4 heures, à l'hôpital de la Charité, où elle a pris un logement par suite de manque de comestibles. Eugène était assis auprès de Mademoiselle Pinson. Il crut remarquer, à ce dernier mot, prononcé avec une indifférence complète, qu'elle pâlissait. Mais, presque aussitôt, elle se leva, alluma une cigarette et s'écria d'un air délibéré. « Silence à votre tour, je demande la parole. Puisque le sieur Marcel ne croit pas aux fables, je vais raconter une histoire véritable, et quorum pars magna fui. » « Vous parlez latin ?» dit Eugène. « Comme vous voyez, » répondit Mademoiselle Pinson. « Cette sentence me vient de mon oncle, qui a servi sous le grand Napoléon et qui n'a jamais manqué de la dire avant de réciter une bataille. » Si vous ignorez ce que ces mots signifient, vous pouvez l'apprendre sans payer. Cela veut dire, je vous en donne ma parole d'honneur. Vous saurez donc que, la semaine passée, je m'étais rendue avec deux de mes amies, Blanchette et Rougette, au théâtre de l'Odéon. « Attendez que je coupe la galette, » dit Marcel. « Coupez, mais écoutez, » reprit Mademoiselle Pinson. « J'étais donc allée avec Blanchette et Rougette à l'Odéon, voir une tragédie. Rougette, comme vous savez, vient de perdre sa grand-mère. Elle a hérité de 400 francs. Nous avions pris une baignoire. 3 étudiants se trouvaient au parterre. Ces jeunes gens nous avisèrent et, sous prétexte que nous étions seuls, nous invitèrent à souper. « De but en blanc ?» demanda Marcel. « En vérité, c'est très galant. Et vous avez refusé, je suppose. »« Non, monsieur, » dit Mademoiselle Pinson. Nous acceptâmes et, à l'entracte, sans attendre la fin de la pièce, nous nous transportâmes chez Viau. Avec vos cavaliers ? Avec nos cavaliers. Le garçon commença, bien entendu, par nous dire qu'il n'y avait plus rien, mais une pareille inconvenance n'était pas faite pour nous arrêter. Nous ordonnâmes qu'on allât par la ville chercher ce qui pouvait manquer. Rougette prit la plume et commanda un festin de noces, des crevettes, une omelette au sucre, des beignets, des moules, des œufs à la neige, tout ce qu'il y a dans le monde des marmites. Nos jeunes inconnus, à dire vrai, faisait légèrement la grimace. « Je le crois parbleu bien, » dit Marcel. Nous n'en tîmes compte. La chose à porter, nous commençâmes à faire les jolies femmes. Nous ne trouvions rien de bon. Tout nous dégoûtait. À peine un plat était-il entamé que nous le renvoyions pour en demander un autre. « Garçon, emportez cela. Ce n'est pas tolérable. Où avez-vous pris des horreurs pareilles ?» Nos inconnus désirèrent manger, mais il ne leur fut pas loisible. Bref, nous soupâmes comme dînait Sancho, et la colère nous porta même à briser quelques ustensiles. Belle conduite, et comment payer? Voilà précisément la question que les 3 inconnus s'adressèrent. Par l'entretien qu'ils eurent à voix basse, l'un d'eux nous parut posséder 6 francs, l'autre infiniment moins, et le 3e n'avait que sa montre, qu'il tira généreusement de sa poche. En cet état, les 3 infortunés se présentèrent au comptoir, dans le but d'obtenir un délai quelconque. Que pensez-vous qu'on leur répondit ? Je pense, répliqua Marcel, que l'on vous a gardé en gage et qu'on les a conduits au violon. C'est une erreur, dit Mademoiselle Pinson. Avant de monter dans le cabinet, Rougette avait pris ses mesures et tout était payé d'avance. Imaginez le coup de théâtre à cette réponse de Viau. Messieurs, tout est payé. Nos inconnus nous regardèrent comme jamais trois chiens n'ont regardé trois évêques, avec une stupéfaction piteuse mêlée d'un pur attendrissement. Nous, cependant, sans feindre d'y prendre garde, nous descendîmes et fîmes venir un fiacre. « Chère marquise, me dit Rougette, il faut reconduire ces messieurs chez eux. »« Volontiers, chère comtesse, répondis-je. Nos pauvres amoureux ne savaient plus quoi dire. Je vous demande s'ils étaient penauds. » Ils se défendaient de notre politesse. Ils ne voulaient pas qu'on les reconduisît. Ils refusaient de dire leur adresse. Je le crois bien. Ils étaient convaincus qu'ils avaient affaire à des femmes du monde et ils demeuraient rue du Chat qui pêche. Les deux étudiants, amis de Marcel, qui, jusque-là, n'avaient guère fait que fumer et boire en silence, semblèrent peu satisfaits de cette histoire. Leurs visages se rembrunirent. Peut-être en savaient-ils autant que Mademoiselle Pinson sur ce malencontreux souper, car ils jetèrent sur elle un regard inquiet. Lorsque Marcel lui dit en riant « Nommez les masques, Mademoiselle Mimi. Puisque c'est de la semaine dernière, il n'y a plus d'inconvénient. »« Jamais, monsieur, » dit la grisette. « On peut berner un homme, mais lui faire tort dans sa carrière, jamais. »« Vous avez raison, » dit Eugène, « et vous agissez en cela plus sagement peut-être que vous ne pensez. De tous ces jeunes gens qui peuplent les écoles, il n'y en a presque pas un seul qui n'ait derrière lui quelque faute ou quelque folie, et cependant c'est de là que sortent tous les jours ce qu'il y a en France de plus distingué et de plus respectable. » Des médecins, des magistrats. Oui, reprit Marcel, c'est la vérité. Il y a des pairs de France en herbe qui dînent chez Flicoteaux et qui n'ont pas toujours de quoi payer la carte. Mais, ajouta-t-il en clignant de l'œil, n'avez-vous pas revu vos inconnus ? Pour qui nous prenez-vous ? Répondit Mademoiselle Pinson d'un air sérieux et presque offensé. Connaissez-vous Blanchette et Rougette ? Et supposez-vous que moi-même... C'est bon, dit Marcel, ne vous fâchez pas. Mais voilà en somme une belle équipée. Trois écervelés qui n'avaient peut-être pas de quoi dîner le lendemain et qui jettent l'argent par les fenêtres pour le plaisir de mystifier trois pauvres diables qui n'en peuvent mais. Pourquoi nous invite-t-il à souper ? Répondit Mademoiselle Pinson. Fin du chapitre 3.